L'exposé scientifique national du secteur de communication s'est déroulé du 1er au 4 novembre à la ville de Saliwan, province du Fangé du Nord. Y ont participé les scientifiques, techniciens, ouvriers, enseignants, chercheurs, membres de groupes de promotion des trois révolutions et autres officiels. On y a présenté plus de 300 dissertations de valeur. Les auteurs de meilleures thèses ont reçu les diplômes et prix.